Hamlet. Ah, si cette chair trop solide pouvait se fondre, se dissoudre et se perdre en rosée. Si l'Éternel n'avait pas dirigé ses canons contre le suicide. Ô Dieu, combien pesantes, usées, plates et stériles me semblent toutes les jouissances de ce monde. Fille de la vie, ah, fille. C'est un jardin de mauvaises herbes qui montent en graines, une végétation fétide et grossière et tout ce qui l'occupe. Que les choses en soient venues là. Depuis 2 mois seulement qu'il est mort. Non, non, pas même 2 mois. Un roi si excellent, si tendre pour ma mère, qu'il ne pouvait pas permettre au vent du ciel d'atteindre trop rudement son visage. Ciel et terre, faut-il que je me souvienne? Quoi? Elle se pendait à lui, comme si ses désirs grandissaient en se rassasiant. Et pourtant, à 9 mois. Ne pensons pas à cela. Fragilité, ton nom est femme. En 1 petit mois, avant d'avoir usé les souliers avec lesquels elle suivit le corps de mon pauvre père, comme Niobé, tout en pleurs. Et quoi? Elle, elle-même. Ô ciel, une bête qui n'a pas de réflexion aurait gardé le deuil plus longtemps. Mariée avec mon oncle, le frère de mon père, mais pas plus semblable à mon père que moi à Hercule. À 9 mois, avant même que le sel de ses larmes menteuses eût cessé d'irriter ses yeux rougis, elle s'est mariée. Ô ardeur criminelle, courir avec une telle vivacité à des draps incestueux. C'est une mauvaise action qui ne peut mener à rien de bon. Mais tais-toi, mon cœur, car il faut que je retienne ma langue.